samedi soir m'chita, patal flané, ma tchongita. Mounio vin fem kouri, tombe dans de l'eau, manqué péri. Tout rat sou mouen mouye, mouen retire l pou m'pa deye. L'em fè sa pou m'boule, mais notre dame fem tout en mille. L'em fè sa pou m'boule, mais notre dame fem tout en mille. Samedi matin, pour mettre yo, rad moi plavé. Moi chita son perron, on y dit, moi mette ma ron. Le fait ça pour me sortir, la pibare, moi pas sa sortie. Le fait ça pour me sortir, la pibare, moi pas sa sortie. Elle m'a calculé. Dominem. Tout nan nuit, m'passe à dormir. M'passe à dormir toute la nuit. Ou gen doit regarder dans juste la ville. Ou t'en de ma plainte. Toute la nuit. Ça tue maintenant. Il mettait mon cadavre tout, toute la nuit, il mettait mon cadavre tout le temps, toute la nuit, mon cadavre. Mais pas qui vivait, c'est que la gade, moi, m'a gade tout. Et puis, quand l'autre bagarre, il va encore, la provoquer, moi. Li souri ba mwen. Mwen même mwen rivali nan moustache. Bagay ou pata yon mle kwe. Yo fè pè manan toui. Y mette ti kokade rouge. Ti kokade noir. Ti kokade blanc. Ti kokade violine. Ay ay ay. Yo nom ki jen gason. On pa fè wè sa. Va toujours contre clinique laboratoire. Ha. Et c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. C'est bon Dieu fait des gros cliniques qui relè paradis des deux mondes. C'est ça qui sauve moi. C'est ça qui sauve. L'aime tout ça. Hey. Mais gros sel. Mais la gel. Gros avec Zaboka monde gagne. Li porte 8 tranches suivant coup de couteau la porte grande. Hein, oui, bagaille la dominé. Li fout dominé oui. Marcher, le pied m'a bêté, bagaille la dos.